sa facilité à pardonner les outrages. Jamais, d'un autre côté, il ne conçut d'inimitié si forte qu'il ne les abjura volontiers dans l'occasion. Gaius Memmius l'avait attaqué dans ses discours, avec un extrême véhémence, et César lui avait répondu par écrit, avec d'autant d'emportement. Mais il l'aida plus tard de tout son crédit dans la poursuite du consulat. Gaius Calvus, qui l'avait accablé d'épigrammes diffamatoires, cherchant à se réconcilier avec lui par l'entremise de ses amis, César, par un généreux mouvement, lui écrivit le premier. Il avouait que Valerius Catulus, dans ses vers sur Mamura, l'avait marqué d'une flétrissure ineffaçable. Et pourtant, quand le poète s'excusa, il l'admit le jour même à sa table. Il n'avait pas même interrompu les relations d'hospitalité qui l'unissaient au père du poète.